Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, ô Jérusalem, bien-aimée. Jérusalem, bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. De mes frères et de mes amis, je dirai la paix soit sur toi à cause de la maison de l'Éternel.